بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc pour pas retenir tout le monde, on n'a pas pu détailler tout à l'heure. Al-Khutba est terminé la traduction. Al-Imam al-Bukhari lui-même qui rapporte le récit qu'on a cité dans Al-Khutba al-Jumu'ah. Il le rapporte pas dans son authentique, mais dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Al-Adab al-Mufrad. Cet immense hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a cité fi Al-Khutba al-Jumu'ah. Qala an al-Mustawrid ibn Shaddad, man akala bi muslim uklatan, fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam. ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. وهذا الحديث كما قلنا ذكره ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. Donc le prophète dans le récit qu'on avait étudié pendant le khutbah, c'est un hadith immense. En réalité, ça demande vraiment plus de temps pour lui donner son droit à ce récit. C'est un hadith immense. Pourquoi? Parce que le prophète Sam nous dit « Man akala bi muslim » celui qui mange dans le sens « al-ukla ». « Al-ukla » c'est la nourriture que lui va manger, mais celle-ci, il a obtenu comment? En dénigrant son frère, en touchant l'honneur de son frère. Il a obtenu cette nourriture en dénigrant et touchant l'honneur de son frère. Le prophète dit « فَإِنَّ اللَّهَ يُطَعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمْ » Le prophète dit « Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la même nourriture « مِنْ جَهَنَّمْ » de l'enfer. La même nourriture de l'enfer. Ensuite il dit « وَمَنْ كُسِيَا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ » Et celui qui a obtenu un vêtement, comment il a obtenu ce vêtement? De la même chose, en dénigrant son frère, en rabaissant et touchant l'honneur de son frère. Le prophète Hassan dit Allah subhanahu wa ta'ala yaksuhu min jahannam, le revêtira et l'habillera de jahannam, de l'enfer. Et troisièmement, wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'a, et troisièmement, comme on l'avait cité, et celui qui va toucher, il va remettre en cause le rang de son frère en dénigrant. Par exemple, comme on a dit, une personne qui est connue pour son savoir, pour son ilm, ou bien une personne dans la société qui a un certain rang, et une tierce personne vient et le dénigre. Derrière son dos, il touche son honneur, et donc le dévalorise et le discrédite. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il fait cela par ostentation. Il fait cela par ostentation. Riyan wa sum'a. Fa'inna Allah yaqumu bihi maqama riyan wa sum'a yawma al-qiyama. Yawma al-qiyama. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que celui, le dernier qui fait ça, qui dénigre son frère et remet en cause son rang et son intégrité en touchant son honneur, les gens ne savent pas cela, puisque c'est quelque chose qui est dans le cœur. Les personnes, les individus, on ne connaît pas leurs intentions. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, celui qui sait cela, ce qu'il y a dans son cœur, véritablement pourquoi la personne il a fait cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a fait par ostentation, wariya, wasuman. Alors le jour de la rétribution, il sera dévoilé. Comme il dit, et là vous allez comprendre ensuite la dernière histoire qu'on a mentionnée de Sa'd ibn Abi Waqqas. Comme il est dit dans le commentaire, وَقَدْ يَكُونُ مَثَلًا شَخْصٌ فِي وِلَايَةٍ مَا مَاضِيًا بِهَا عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ وَالسَّدَادِ. Comme une personne par exemple qui a une profession, qui a un certain rang, et lui, il œuvre bien, et mashallah, il est responsable, et ce qui lui est demandé de sa profession, il pratique comme il lui est demandé avec droiture. Mais une personne vient et essaye de le faire tomber, et remettre en cause cela, son intégrité, et son bon travail. Alors, il va commencer à le dénigrer. فَيَنَالُ مِنْهُ شَرْصٌ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُسْقِتَهُ مِنَ الْوِلَيَةِ مَعَ أَنَّهُ أَهْلٌ لَهَا. Alors cette personne voudrait que lui perde son poste. Il veut lui faire perdre son poste alors qu'en réalité il était compétent. cette personne, en réalité, dans son poste, quel que soit le poste, il était compétent. Mais une tierce personne vient, et ça arrive souvent, par exemple, pour les gens dans la vie professionnelle, pour certains, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, il y a des gens, par exemple, qui voudraient prendre votre poste. Ça arrive tous les jours. Quelqu'un qui veut ton poste. Parce que peut-être tu as un poste au-dessus, tu as obtenu, par exemple, un plus haut poste, alors peut-être qu'une personne voudrait ton poste. Et ça arrive souvent dans les sociétés. Vous savez, il y en a, ils se mettent même en arrêt, ensuite ils sont en dépression. Il y en a même, ils sont arrivés au suicide. Il y en a, ils ont été harcelés de cette manière-là. Et les gens qui font ça, le prophète, regardez, il nous parle de ça il y a plus de 15 siècles. Il y a des gens, par exemple, qui voudraient ton poste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dénigrer. C'est pour ça, dans Khutbatul Jumu'ah, malheureusement, on ne pouvait pas tout détailler, mais ça, dans la vie de tous les jours, ça nous sert. Donc la personne, quel que soit le rang, quel que soit ton poste, il y a des gens qui voudront peut-être ton poste. Et des fois, même s'il ne veut pas ton poste, parce qu'il ne pourra pas supporter cette charge, parce qu'il n'a pas les compétences, mais au moins que toi, tu n'aies plus ce poste. Il y en a, ils sont comme ça, la jalousie. La jalousie, même si lui, il ne peut pas œuvrer et garantir le bon travail, mais au moins que toi, tu perdes le poste. Alors, il va te dévaloriser, te dénigrer. Et là, alors, il va commencer à te dénigrer par ostentation. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que, comme nous expliquent les savants par rapport au dire du prophète, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs des individus. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Véritablement, réellement. Alors, lui, le jour de la résurrection, il sera dévoilé. Mais, d'un côté, d'un côté, il sera rétribué et puni pour son injustice, parce que c'est une injustice qu'il a fait envers lui. Mais d'un autre côté, d'un autre aspect, il sera aussi puni pour cette ostentation dont il a fait preuve. Et ce ria et cette souma dont il a fait preuve. Et c'est là que le savant qui nous explique cela, c'est là qu'il nous mentionne à titre d'exemple l'histoire de Saad, du grand compagnon, le célèbre compagnon Saad ibn Abi Waqqas, que lui-même, l'imam al-Bukhari, le mentionne dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Il raconte l'histoire de Saad. Saad, à l'époque, comme on a dit, à l'époque de Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, il était gouverneur d'Irak. Omar l'avait mis en tant que gouverneur d'Irak. Alors certaines personnes sont venues se plaindre à Omar. Ils sont venus se plaindre. Et il y en a un parmi eux qui s'est levé et a commencé à dénigrer le compagnon Saad par ostentation. Lorsqu'on dit par ostentation, c'est-à-dire avec nos termes à nous pour se faire voir. Il s'est levé, il a commencé à vouloir se faire voir, il a commencé à dénigrer le compagnon, à dénigrer Saad. Wa kadhab ala Saad wa nasaba ilayhi ma huwa bari minhu. Et il a commencé à attribuer au compagnon Saad des choses dont Saad en était innocent. Des choses, il a commencé à lui attribuer des choses, à mentir sur lui, à toucher son honneur, des choses dont lui-même le compagnon était innocent. Alors, jusqu'à ce qu'ensuite, il est rapporté dans l'histoire, comme la rapporte un homme qui s'appelait Abdelmalik ibn Umayr. Il rapporte d'après Jabir ibn Samura, qui dit que les gens de Kufa, c'est cette région d'Irak, sont venus se plaindre à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Alors Omar, lorsqu'il a entendu ses plaintes, il l'a destitué. Wastamala alayhim Ammara. Et à la place, il a mis le compagnon Ammar, le célèbre compagnon Ammar ibn Yasir. Donc à sa place, il a destitué Saad et il a mis un autre compagnon à sa place qui était Ammar, à sa place. Fashakaw hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli. Fa'arsala ilayhi faqala ya Aba Ishaq inna ha'ula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Fa'qala Abu Ishaq amma ana wallahi فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها وصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. Et c'est là qu'ensuite ils se sont plaints Les gens se plaignaient, ces gens-là. Et lorsque فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةِ. Et ils ont dit justement, compagnon, concernant l'autre compagnon, ils ont dit en fait, ils se sont plaints de lui, ils ont dit en fait, il ne savait pas prier. Il priait mal. Il priait mal et ils se sont plaints que لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. Alors, ensuite, pour en être sûr, il a demandé la version du compagnon par rapport au dire des gens qui disaient qu'il priait mal et autres. Il a commencé à demander à Saad sa version des choses. Et le compagnon dit « Amma wa ana wallahi » a juré, il a fait le serment par Allah. Il dit par Allah « Je priais, je présidais la prière et je priais la prière du messager d'Allah. » La prière que je faisais, c'était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne mettais rien en cause de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il ne délaissait rien, négligeait rien, plutôt, de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salat al-Isha. Je dirigeais par exemple la prière de l'Isha, salat al-Isha. Fa'arkudu fi al-ulayayni wa ukhifu fi al-ukhrayayni. Il dit dans les deux premières unités, il était plus long que les deux dernières unités, il allégeait. Comme c'est la sunna du prophète d'alléger dans les deux dernières unités de prière. قَالَ ذَكَ أَظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. Mais Omar, il lui dit, c'est ce que je pensais de toi, c'est ce que je sais de toi. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا. Alors, qu'est-ce que Omar a fait ensuite? Il a envoyé un ou deux émissaires en Irak, dans cette région que gouvernait le compagnon Saad ibn Abi Waqqas, dans la région de Al-Kufa. Il a envoyé des émissaires pour demander et pour se renseigner auprès des gens, faire une sorte de petite enquête. Est-ce que les plaintes concernant Saad sont vraies ou fausses? Donc, il a envoyé des émissaires pour vérifier. Donc, regardez. Ça, c'est le comportement adopté lorsqu'on, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Lorsque, par exemple, une personne est dénigrée auprès de nous, on nous parle de quelqu'un, avant d'y croire, il faut vérifier. Il faut vérifier les dires. Et jamais prendre les dires avant vérification. Ya yuladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, vous les croyants, si vient à vous un fasiq avec des informations, alors vérifiez-les, une traduction relative du sens du verset, c'est-à-dire un pervers. Avec des informations, Allah nous dit de les vérifier avant de croire. Parfois, nous, on veut croire. Parfois, ce n'est pas forcément qu'on y a cru. On veut croire. Pourquoi? Parce que parfois, on va nous dénigrer une personne dont on a une certaine aversion. Une personne, des fois, qu'on n'apprécie pas. Et donc, ça nous arrange. Et lorsque cette personne est dénigrée, ça nous arrive souvent, eh ben ça nous arrange, on est content. Même si on ne croit pas forcément à la véracité du contenu. Et même si, quelque part, on sait qu'en vérité, ce qui lui est attribué à cette personne, il en est complètement innocent. Mais on a envie d'y croire. Ça nous arrive souvent. Si on n'y a pas cru, des fois on y croit, et des fois on a envie d'y croire. Ça c'est très important à faire attention. Regardez, il envoya des émissaires Al-Kufa, et ces émissaires-là ont commencé à interroger les gens dans cette région. Et il est rapporté dans le récit qu'ils n'ont laissé aucune mosquée sans interroger et demander aux gens ce qu'ils pensaient. وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا. Ils n'ont délaissé aucun lieu, aucune mosquée. Et quel était le résultat des dires des gens? Les gens en général, il faisait l'éloge du compagnon. Donc lorsqu'une enquête, en quelque sorte avec nos termes à nous, sur le terrain, a été menée, les gens en réalité faisaient l'éloge. Et tous disaient que du bien du compagnon. Comme il est dit dans le récit, « وَيَثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي حَبْس لِبَنِي حَبْس. » Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans une mosquée. Une mosquée, il est rapporté d'un clan qui s'appelait Banu Abs, Banu Abs, les enfants de Abs. Faqama rajulun minhum. Et parmi eux, un homme s'est levé. Un homme s'est levé. Yuqalu lahu Usama ibn Qatada. Cet homme-là, il est dit qu'il s'appelait Usama. Usama, le fils de Qatada. Vous savez, les gens à l'époque, ils étaient nommés par leur prénom, fils d'un tel. Comme cela, ils étaient nommés. Un tel, fils d'un tel. Et donc, lui, son nom était, comme il est dit dans la version, Usama ibn Qatada. Wayukna Aba Sa'da. Wayukna Aba Sa'da. Et aussi, il avait un surnom. Son surnom, c'était Abu Sa'da. Abu Sa'da. Qala. Amma. Idh najattana. فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِّيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ بِالْقَضِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. Alors cet homme s'est levé, il a dit, si tu nous interroges au sujet de Sa'd, alors il lui dit, Sa'd, premièrement, il sortait jamais fissariya avec nous, dans les expéditions. وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ. Et jamais il partageait avec équité. Jamais il ne partageait convenablement. Et lorsqu'il jugeait, jamais il jugeait avec équité, avec justice. Donc cet homme, qui s'appelait Usama ibn Qatada, nommé Abu Sa'da, donc il a commencé à dénigrer le compagnon Sa'd. En quelque sorte, il a dit que c'était un injuste. Lorsqu'il juge, il n'est pas juste. Lorsqu'il partage, il n'est pas juste. Donc il a commencé à le dénigrer. Qala Sa'd. Lorsque Sa'd a entendu cela, cette personne a menti sur lui. Alors Sa'd a dit « Amma wallahi la ad'uwanna bi thalath ». Il dit « Par Allah, je vais invoquer par trois choses ». Il a invoqué contre la personne, contre cet homme. Il a dit « Je vais demander trois choses ». « Allahumma in kana abduka hadha kadhiban ». Regardez ce qu'il va dire. Il va dire « Ô Seigneur, si ton serviteur un tel, cet homme-là, Aba Sa'da, si ton serviteur un tel ment et menteur, regardez ce qu'il va dire. C'est pour ça que c'est très pertinent dans l'explication. Le savant qui a expliqué ce hadith-là, il cite ce récit-là. Pourquoi ? Parce que regardez ce que va rajouter Sa'd. Il va dire au Seigneur, si ton serviteur est menteur, il ment, et qu'il s'est levé par ostentation ou à summa, pour se faire entendre et se faire voir, d'où le lien avec le hadith qu'on a cité précédemment, la personne qui le fait par souma, pour se faire voir, pour se faire entendre. Vous savez, des fois, lorsqu'on veut se donner de la valeur, beaucoup le font en rabaissant autrui. Il rabaisse son frère ou une autre personne pour se donner lui-même de la valeur. Il le fait souma'atan, wali'an, il le fait par ostentation. Regardez, donc Sa'd dit, « Ô Seigneur, si ton serviteur un tel a dit cela, en mentant, et par ostentation, pour se faire entendre et se faire voir, regardez ce qu'il va dire. Fa'atil umrahu. Allonge sa vie. Fais qu'il vive. Longtemps. Wa'atil faqrahu. Et allonge sa pauvreté. Fais qu'elle, sa pauvreté s'intensifie. Soit longue, sa pauvreté. وَعَرَّضْهُ بِالْفِتَنِ. Expose-le au fitan, au trouble. Expose-le au trouble. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. Effectivement, ce qui est rapporté ensuite, il y a des rapporteurs, des témoins, qui rapportent que cet homme ensuite est devenu vieillard. Il a vécu longtemps. C'était un vieillard. Et c'était un vieillard qui était pauvre. Il marchait dans les ruelles, pauvre, un vieux, et insignifiant pour les gens. Il n'avait aucune valeur pour les gens. Et il marchait, et tellement lui, il voyait sa situation déplaisante, tellement il était consterné de sa situation, il disait, je suis un pauvre vieux, tenté, troublé, j'ai été atteint par l'invocation de Sa'd. J'ai été atteint par l'invocation de Sa'd. Jusqu'à ce qu'un homme à l'époque, qala Abd al-Malik, un homme à l'époque, il dit, fa'ana ra'aytuhu, il dit, moi-même, cet homme-là, Aba Sa'da, il dit, je le voyais, alors que ses sourcils tombaient sur ses yeux. Vous avez vu là, ça fait référence à la vieillesse de cet homme. Il était devenu vieux. Et ses sourcils tombaient sur ses yeux. C'est Abd al-Malik qui dit cela. Il dit, je le voyais, alors que ses sourcils tombaient sur ses yeux, c'était un vieillard. Il dit par vieillesse, wa innahu la yataharradu lil jawari fi turuqi wa yarmizuhun. Il le voyait qu'il se promenait dans les petits chemins et il courait après les petites fillettes. Il était meftoun. C'est un vieux et il harcelait et courait après les petites fillettes. C'était une honte. Imaginez-vous cet homme, comment il était décrit. Et effectivement, il a été atteint par la Darwa de Sa'd parce qu'il était menteur, il était injuste. Et c'est pour ça que Darwatul Mazloum, il n'y a pas de voile entre Allah et l'invocation de celui qui est opprimé. Il faut faire très attention. L'opprimé, s'il invoque, son invocation est exaucée. Pour cela, Al-Zulm Zulumet Yom Al-Qiyamah, le prophète nous dit que l'injustice, c'est des obscurités, le jour de la rétribution. Donc celui qui est touché d'une injustice, il faut faire attention qu'il n'invoque pas. Parce que si celui-ci invoque contre son oppresseur, l'invocation est exaucée. Et les savants disent, c'est pas l'invocation du musulman opprimé seulement. Allah n'aime pas la justice de manière générale. Et Allah s'est interdit l'injustice. À plus forte raison, il nous l'a interdit. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, déteste l'injustice. Il n'aime pas l'injustice. Et il nous a interdit strictement l'injustice. Du fait que celui qui subit une injustice, s'il invoque le créateur exauce. Et ce n'est pas restreint, les savants disent, à l'opprimé musulman, mais même le non-musulman. S'il invoque, il est opprimé, il subit une injustice. S'il invoque, les savants disent que son invocation est exaucée. Allah n'aime pas l'injustice. C'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention. C'est pour ça que je voulais vous faire le rappel. Malheureusement, ce hadith, en réalité, si on regarde les commentaires, enfin, heureusement, on regarde les commentaires des savants, il y a de nombreuses fawaïdes, et on n'a pas pu les vraiment détailler tout ça, fait Khutbatul Jumu'ah, mais c'est un hadith immense. Je vous réfère de revenir au livre Al-Adab al-Mufrad. Al-Adab al-Mufrad. Et aussi, il y a un très beau livre, vous pouvez voir le commentaire, un livre sur Ahadith al-Akhlaq. Un livre sur Ahadith al-Akhlaq de Cheikh Abdelrazzaq al-Badr. Il a un livre qu'il a appelé Ahadith al-Akhlaq. Les récits sur le comportement. Les récits sur le comportement, c'est des cours qu'il dispensait pendant un mois du Ramadan. Pendant un mois du Ramadan, chaque jour, Shir, il prenait des récits sur le comportement et expliquait. Et il a fait 30 assises, à peu près, tout le mois du Ramadan. Tout le mois du Ramadan. Ensuite, c'était retranscrit et édité en livre. Édité en livre. C'est un livre immensément pertinent. Un très très beau livre. L'auteur, Shir, dans ses cours, il prenait des hadiths sur le comportement. Et vous voyez, si vous regardez dans le sommaire, le comportement avec les employés, celui qui a des employés. Si par exemple, qu'il y a une société, celui qui a un restaurant, celui qui a une entreprise, il a des employés, comment se comporter avec eux pour ne pas être injuste? Parce qu'on peut être injuste. Le comportement envers les parents, je vous réfère de... Regardez, il a plusieurs chapitres sur le comportement envers les parents et la gravité de l'ingratitude envers les parents. Ajib, il mentionne énormément de hadiths sur ça. Ça fait vraiment un rappel immense. Le comportement avec les proches parents, le comportement fraternel. Le comportement fraternel. D'ailleurs, la khutba était tirée du chapitre sur la fraternité. Sur la fraternité, référez-vous au livre et il y a l'explication justement de ce hadith que je vous ai mentionné. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.